Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 3, Gaumet du Pré 1862. Question 98. Du parjure. Le parjure se caractérise par la fausseté, sa culpabilité, et son péché d'imposer le serment à celui qui doit commettre le parjure. 1. Le parjure suppose-t-il nécessairement une fausseté? Un mensonge affirmé sous la foi du serment, voilà la définition ordinaire du parjure, elle prouve qu'il suppose toujours quelque fausseté. Le serment a pour fin la confirmation de la parole de l'homme, et c'est de cette fin qu'il tire son espèce, car les actes humains, comme nous l'avons dit ailleurs, se spécifie par la fin qu'on se propose en agissant. On ne confirme que ce qui est vrai, par conséquent, la fausseté détruit la fin du serment. Pour cette raison, elle confère à cet acte, qu'elle vicie, une autre espèce qui prend le nom de parjure. D'après ces principes, la fausseté entre dans le parjure comme élément essentiel. Note. On peut dire qu'il y a aussi un parjure quand le serment manque de justice ou de discrétion, mais alors il se conçoit différemment. Jurez-vous contre la justice, vous tombez dans la fausseté par le fait, puisque vous êtes obligé de ne pas accomplir votre serment. Jurez-vous sans jugement, vous vous exposez par votre indiscrétion à commettre une fausseté. Fin de la note. 2. Tout parjure est-il un péché? Prendre Dieu à témoin d'une assertion fausse, c'est donner à entendre ou qu'il ignore la vérité, ou qu'il peut attester une fausseté. Il y a évidemment dans un tel acte une irrévérence envers la divinité. Dès lors, le parjure est un péché contraire à la religion, qui nous fait un devoir d'honorer Dieu. Note. Observons ceci. Jurer de faire une chose illicite est un parjure, mais il n'y a ni parjure, ni faute, à ne pas accomplir un tel serment. Jurer d'omettre ce qu'il y a de meilleur, par exemple, de ne pas embrasser la vie religieuse ou de ne point faire tel acte de vertu, est un parjure, mais ne point tenir à son serment n'en est pas un. Celui qui a juré de faire la volonté d'un autre ne tombe point davantage dans le parjure en ne la faisant pas, lorsqu'on lui impose des charges trop pénibles, on sous-entend toujours dans le serment cette condition, que les choses commandées seront licites, justes, supportables et modérées. Fin de la note. 3. Le parjure est-il un péché mortel? Le parjure est contraire à ce précepte divin, « Vous ne vous parjurerez point en mon nom. » Lévitique 19, 12. Il est donc un péché mortel. En effet, si les actions bonnes en elles-mêmes deviennent des péchés mortels quand on les fait avec le mépris de Dieu, celles qui impliquent de soi ce mépris même sont, à plus forte raison, des péchés graves de leur nature. Tel est le parjure, qui renferme toujours une irrévérence envers Dieu. Note. Commettre le parjure par jeu ou par habitude implique le mépris de Dieu, et par suite un péché mortel. Mais si l'on ne s'aperçoit point que l'on jure faussement, on ne semble pas avoir l'intention d'invoquer le témoignage de Dieu et l'on n'encourt point le crime de parjure. Fin de la note. 4. Est-il permis d'exiger le serment de celui qui se parjure? Le simple particulier qui ignore si l'on jurera faussement ne pèche point en demandant le serment pour s'assurer d'une vérité, mais celui qui sait que l'on jurera faussement est homicide en l'exigeant, il pousse la main d'une personne qui se donne la mort. L'homme public qui le fait prêter en vertu de la loi, sur la demande d'un tiers, ne pèche point, alors même qu'il prévoit que la personne interpellée commettra le parjure, Ce n'est pas lui qui exige ce serment, c'est la partie adverse dont les intérêts sont en cause. Markendanarchive.org 2020, d'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.